lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Et l'on se retrouve pour l'émission Henta Brezonek, c'est l'émission 508, comment on dit 508, Henri? Pemkandeis. On commence évidemment par Gerio Arvue, cette fois-ci on parle de quel mot? Alors c'est un verbe, c'est kemar. Kemar qui veut dire prendre. Ici d'ailleurs on dit, ça dépend, on a tendance à dire kemar aussi, hein. Mais voilà, ça s'écrit kemar, mais des fois ça se prononce kemar, hein. Voilà, et c'est une... alors il y a deux formes, hein, kemerut et kemar. Donc la forme kemar est une forme allégée, on peut dire, plus rapide, hein, et la forme kemerut est peut-être un peu plus cérémoniale, voilà. Mais la base verbale des deux formes est kemar, hein, et donc le participe passé, kemered. Hein. Alors il est... ce verbe-là, ce mot-là peut être employé aussi comme substantif dans le sens de d'une prise, hein. Par exemple, on va dire hemer, hein, puisque c'est un mot masculin, la prise. Voilà, par exemple dans un sport. Hein. Alors ce verbe, alors il y a un autre verbe qui veut dire prendre aussi, qui est taput, mais qui est plus vigoureux. Kemer, c'est prendre doucement, et taput, c'est s'emparer de saisir. Voilà. Alors c'est un mot d'origine celtique, hein, comero. En celte ancien, et si bien qu'on va retrouver en gallois, on retrouve le même mot, kemer, hein, mais qui ne s'écrit pas pareil, parce que l'orthographe galloise est différente, même pour des mots qui se prononcent de la même façon. Voilà, alors il y a beaucoup d'expressions, hein, avec kemer priet par exemple, kemer priet se marier, voilà. Il y a dans une chanson, on dit non que Gualden Péon de Vachette, Marianig me hémérette. Je ne suis pas méchant quand je suis fâché, donc je suis un bon parti, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, alors beaucoup d'expressions. Kemer plijadur, hein, prendre du plaisir. Kemer poan, hein, prendre de la peine, hein, se donner à fond à quelque chose. Kemer amza, prendre son temps. Hein. Kemer aun, s'inquiéter, s'affoler, avoir peur, hein, prendre la peur en fait. Kemer glahar, hein, c'est prendre du chagrin, par exemple, partager la peine des autres, hein. C'est d'ailleurs le sens initial de sympathiser, hein, sympathein, hein, en grec. Kemer spon, hein, prendre peur. Kemer pers, alors très important, très utilisé, hein. Prendre part à quelque chose, hein, participer, hein, à quelque chose. Kemer truer, prendre peine, avoir pitié de, hein. Voilà. Alors le verbe peut être utilisé aussi sous forme réfléchie, hein. Unengamer, hein. Nous on dira non de gomer, hein. S'y prendre, la façon de s'y prendre, hein. comme en français finalement. Des mots, kemerap, c'est prenable, hein. Voilà. Hat kemer, hein, donc en utilisant des préfixes, hein, hat kemer, c'est reprendre. Hein. Ça, c'était très souvent quand on allait manger chez quelqu'un autrefois. Hat kemerad, hein. Hat kemerata, hein. Reprend une encore, donc. Hein. Voilà. Alors, des mots kemerur ou kemerer, celui qui prend, hein, le preneur. Hein. Voilà. Die gamer, hein, c'est une forme dérivée de gamer aussi. Die gamer, accueillir, hein, recevoir. Die gamer mode, hein, on voit ça partout. Hein. Gamer purse, je l'ai déjà dit. Une forme amusante, enfin amusante, ça dépend pour qui. Ré gamer, ça veut dire, gamer ré, ça veut dire abuser. Abuser de quelque chose. Hein. Alors également, die gamer, hein, celui qui reçoit. Alors, des expressions avec Kemer. Kemer Yvon, David Didoc, prendre son bonnet pour son chapeau, ça veut dire se tromper ou en rajouter dans quelque chose, hein, exagérer quelque chose. Hein. Kemer Hebrain, lac garantie de drain. Prendre sans donner fait tourner l'amitié, quoi. Hein. Et puis pour terminer, Hemans au vélo Blay, contente de gamer cuite de reine. celui-là est comme un loup, il est content de prendre sans jamais donner. J'ai entendu cette expression-là dernièrement au sujet du Brexit. quelqu'un qui disait ça, quoi. Content de Gamer quitte règne. Ben, on va s'arrêter là-dessus. Deuxième partie de Henta Brezonek, Brezonek Tom à Tom, on va se poser la question de savoir ce que parlaient Obélix et Astérix, c'est ça? C'est un peu ça, oui. C'est... Il y a longtemps que je voulais parler un peu de ça. Bon, j'en parle assez souvent dans Guerriot Hors-Vue. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, depuis que j'étais gamin. C'est le gaulois, la langue gauloise, leur galianek. Alors, quand j'étais à l'école primaire... On nous enseignait, il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule. Ses habitants s'appelaient les Gaulois. Ils adoraient les forces de la nature. On savait ça par cœur. Et ensuite, il y avait une description assez stéréotypée des Gaulois, une description conforme à l'histoire officielle, hein, élaborée par des historiens non moins officiels, comme par exemple le célèbre Ernest Lavis, hein, académicien, qui a fixé pendant très longtemps la version officielle de l'histoire de France. Peut-être même dans l'esprit des gens, c'est toujours l'histoire de France, selon Ernest Lavis, qui s'impose, en fait. Hein. Et chez beaucoup de politiciens aussi. Alors, pour la période gauloise, justement, on avait créé un héros national vers Saint-Gétorix. On diffusait comme ça une série de héros de la nation, hein, hein, Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Henri IV, Louis XI, Louis XIV, Napoléon, il y a toute une kyrielle. Et Vercingétorix était le premier, à qui on attribuait d'ailleurs un comportement tout à fait stéréotypé, hein, alors qu'en fait... On ne sait pas grand-chose sur ce brave Vercingétorix. Alors, de la langue parlée par les Gaulois, il n'était absolument pas question. J'ai jamais trouvé, quand j'étais gamin, et pourtant ça m'intéressait, quoi que ce soit sur le sujet. Alors, on écrivait des bouquins sur le Gaulois, mais on ne parlait jamais de la langue qui était la leur. Et d'ailleurs, à lire ces ouvrages-là, on pensait que les Gaulois parlaient français. C'est-à-dire que la langue officielle depuis toujours était le français. D'ailleurs, Charlemagne également, hein, qui ne savaient pas un mot de ce qu'on appelle aujourd'hui le français, qui était le roman à l'époque. Charlemagne parlait le francique, hein, c'est-à-dire une langue germanique. Hein, et donc, dans aucun ouvrage, on ne fait allusion à la langue parlée par Charlemagne. Il a inventé l'école, mais, mais pas une école en français. Bon. Alors, très jeune, j'ai entendu dire, je ne sais plus par qui, que le gaulois était une langue proche du breton. Peut-être par un de mes oncles qui habitait pas loin de chez nous quand j'étais à Saint-Ouen, là-bas. Lui, il savait beaucoup de choses et ça m'a intéressé tout de suite, bien sûr. Et j'ai cherché à ce moment-là. Mais à l'époque, les étymologistes rattachaient tous les mots de la langue française à des racines latines, puisqu'ils étaient de formation classique, latin, grec, un peu hébreu. Et on essayait, par des contorsions variées, de faire coller tous les mots à une étymologie latine. Donc on ne trouvait rien à cette époque-là sur le gaulois. Alors depuis, les études sur le gaulois ont beaucoup progressé. Grâce à l'étude de documents épigraphiques, il n'y a pas énormément de documents, mais il y en a quand même quelques-uns, comme le fameux calendrier de Coligny, par exemple, hein, et des inscriptions sur des tuiles, sur des tablettes, sur des plaques de plomb, et puis surtout beaucoup de noms de personnes qui ont été utilisés, hein, pour trouver les racines gauloises, des noms de personnes et des noms de lieux. Et donc, à partir de tout ça, on a progressé. Et donc, on commence à trouver des choses. Par exemple, il existe une très bonne synthèse de ces travaux, faite par Pierre Gastal en 2013, hein, Nos racines celtiques, qui était éditée par les éditions Deslys, et où on trouve beaucoup de choses sur le gaulois. Alors, la prochaine fois, on commencera à donner quelques racines gauloises. Et bon, dans les émissions qui vont suivre, jusqu'à ce qu'on on n'épuisera pas le sujet. Mais enfin, qu'on avance un petit peu là-dedans, parce que pour nous, Bretons, c'est très intéressant. Alors, il y avait le chanoine Falren, hein, qui avait étudié beaucoup ça, quoi. Le breton a beaucoup servi, justement, à découvrir le sens des racines celtiques qu'on trouve dans le gaulois, quoi. Donc, la prochaine fois, on commencera à donner quelques racines par ordre alphabétique, qui rapproche le gaulois du breton. Troisième partie de Henta Brizonek, Eri, Petezone ve Bavro. Kal se drao evel just, bouer vej diouzan. Krogom de diantan vel kiz a custum, gant ala bondoua. Hag ar vue e war ar mez. E chu e bremañ un eve amza, hag er yon ba nan. Mamez no ane ke begwal dom un trao bet a bremañ an arv zo chom eud hanter val, Nuske kalze domder, dour a gravel ne la ranket. Bon, mondera un tam gweler en trau, gant ne prise mort, pu dure e hat krog tut brochina de brein an king mort, hag ma bat fe en drasi, ve fe bet an dravat, e vil jus vid eus averien mort, a vid ekonomies, ur vro. Pu an komz eus labour douar, daouzin bet minis de labour douar, a zoet nevesso, de nan aon. De diantan Edgar Pisani, oa gant bat Tunis, ba pe oa fin brezel be diantan, o miz rog, hein, hag neus bet bevet ba ban Tunisi, bet hag iva chelourez, a oa deut dor istudi e brohal. Hag hem eus o bet is prefet, oa l'air an eil brezel bet, o nan deus ur yo, nan yo an kant mammez oa ba bro France, de houlse, pe dur oa kemet ur oer la war nugen, hag de houlse oa velar en dar nis prefet de yo an kant oa ba bro France. Hag babla o nan a trugen oa deut de vout de ministre de l'arbour douar. Ministre de l'arbour douar gant notre ouf de Gaulle ou de Houls ou ar tron bro France. Hag bon, gen de skal ze drou, vi de la bourdouar, bon, ma trez en vejo neus get drou a neus betia ou a l'air, pe dur pe oa rog oa marne oa skrive do lever, en din koz hag en douar, hag l'ar e oa kal ze drou, ni jek e begred ma meus mot, pe dur oa ed rebel l'arbre doua ou ar certain trou. Bon, chomede pempla ministre l'arbre doua, ak bru de tre, et pe ve komze de ce ministre de l'arbre doua, ve komze du derma de Stangui Prigent, a waler de Spizani, a waler de ce roca, de ce dix tresson, ve komze d'ivé. Puis doua, tient ton plat, a wabé de ministre l'arbre doua. Bon, l'art en d'art, scriveneuse au leva, des glaçots, l'air à l'art est bon, ma trezen vi j'ai béré, mon noirien chouel, vi de l'art bourdou, ar dreistol, vi de cordo, l'art bourdou, pis velar, vraiment l'art bourdou ar pardus. Mais de houls, ou arrête de produit, vi de mort grande dut, ag zé wa de houls, nevéed, ou a, nevé crouen, ou a bé de bro Europa, puis dur wabé de un emglève rome, un babla seiz à Hantorkan, hag ur pak wabé de zavet bat streza, bla waler. Hag ugun la waler, jizmot, waler Edgar Pisani, wabé de Michel Rocard, et de Vinis de la Bourdouar. Hag de Rouls, wa change de calzentro, boé Edgar Pisani, wa et calzentro, wa rog, wa calzentro, déjà, ou appel neptor fermio, ou appel neptor élaborerien, douar. Hag, péchon mot de zrocar et, rotaillo. Peut dire, ma blanc père à Perugen, ou à Bécrouet, rotaillo. Hag, Brovrance, ou à Bé de, ma peine jeu, vide grouille, rotaillo. Edgar Pisani, ou à Diden, tri, gand, scolio la bourdouar, à Zonjalre, ou à, ou à mode, case, rioang, stum en rioang, ou à dash en l'arbre douar. A gebla, dou à tri, hugen, ou à bé vote de lesen, vide, quelle est la dure, ze l'arbre douar. A divise l'oua bé, d'or au lycée, ou l'arbre douar, bah, pep département. A cal, du stu, ou à l'air, ou à bé crog, d'or lycée, ou lycée. Bon, déjà, ou à ce collage, ou l'arbre douar, rog, mais, à heur pâle, ou à, au bord au lycée ba pep département ag au lycée ag au scolage Hendel au collège j'ai grade de c'est quoi ag lance d'un trou d'asquer ou becrou de lycée ba Ploisy hein lycée Kernelien à Calze réel ou becrou de Houlse ag Michel Rocard zobé de du vide là Bordeaux vide quelle est nature de la bourdoua qu'à de Péouaille Fanchmiterran bah ou à Trône Brovrance ou à Bélard vige Bélac de scolage ou la bourdoua d'indan ministre discadure stat mais zéni que Bégrette bonne et Chambadis, derns au content derninque d'un bon de Bépin de Vel, mais de Grédo à Lézen, justement, d'avoir ce qu'on a joué là pour d'avoir. Bon, comme ça, mon temps, comme ce mesard de ce beau Europa, bon, ce que voit le Belzo, d'un tri ou arnu, d'un visiven, zobé de Votadoc, ag vid gwell da ge chom fe breisveur ba bro Europa pe FMS ag benefin e de mout ganri ou vid mon mes ag zezo pez velard le ur Brexit mais brozo ne se vote visé mais broskoz a bro iwers an en anternons ne se vote en up c'est un joueur vos russes ba breisveur ag kale da kri e vo en dispart i vel ar vejo ba kando en ozo. Ma trezen vo gret ar kando en oarze, kando en kanda diskant oar en ur Brexit. Bon, pe an komz deus votadegou, neus ket gwal belzo zo bet ar votadeg ba bro naulet, vid gout agen vo gret ner bors ba kernitron lan. Bon, calze du doyen, même maire de Kernitron-Neland, Jean-Paul Nôte, his ou un de Nerbors, tout de réseau, un trou, mais de Nerbors, ou un up. Mais de réseau Pellar, zo du, dit ce vécomte Kaider Mott. Ah, c'est tu, moi, d'Ormout, Bénéfine, Gandry, Vancadev et Gret. Mais n'est que Gret, roi, du roi, réseau war un trône me marre et mon le scosé quand on aurait été Waller que ma quoi le vos pièces à mots de vos pendant bon Neveso est et lance de ménémique le trop brohal puis une tour de France ag il y a de ménémique et lance d'un trop ag on drap fentus me sclève de blâme vos classes goût d'agnès ou dans mon moteur yo Dredon, Barreau de Véloïo, futur Hervé Kleds, au bête déjà, bon, au Gualzikour, vinant une zone temps moteur, Barreau de Mestran, quoi. À Bromen Vaugret, grande caméra, à Zella, un dôme de caméra technique, thermique, de Veltagin, vos moteurs, yo, Mestran, Bob Sartrov et Clé, voilà. Neveso ou à Krogelentand, bah, Ilis Tremel, bah, Brodrig, ag, ou à poire de Kals de ze Bonnendon, ag, Kals de Drog, bah, Ilis. Ah, vraiment, vos red classker, en évèle juste, évide, Hadzével, en Ilis. Mais j'en j'al rende vos graines, même stroke, à, bon, on Ilis guerre, ouais. Bah, Melion, ag, Zobé Neveso, leur salon, Nem Gavio, ou à un tel film, ag zo bet kalz dud, hein, vel bepla, vid gwelze, ag bon, matzen peus kleve de RKB ou a warreun deus melionek, a mem kleve kalz drou. Peve komz de skrivan er yon ur vro, nomez ke zo Michel Priziak, a de glaso ni oa gred o lever, a oa hant vet kerminik. Ijine doa bet de Quand Michel Priziak au l'air hand vet Kermini, quand on tombe vers le zantologue, on droit hygiène, ag, ziskep et sa mode, ou à bedentro, ou à drouer blavezio, triugna, pis ou à échug, on est là pour doux, à vélo à rogue, ag, pis ou à yon tracteur, ou à, maïs, à tout d'entro, ag, vraiment, vos radin bande de levers, enfin, que tri, mames lever, trouz o bechenche de tamo trouz o beten trouels o behadlaket hag vo imbanet war din dan haun lomo tracteur bon gant un imban nadur yo marivol vo gretze hag vo kave de lever Michel Priziak ba staliou ur vro hag l'erhel mamez yo ouais. Et war brovant ze bise. Végenom ze regontandard de Scar Noët. Vraiment pevetud, de visite en vro, ven casse de garnoed, mi me casse au nœud battu, dans Jules Gouet, je dirais, on tom baléade en plus juste. Hag bon, à dermot ven zou de velet, pédiam de dud ve, calze dud ve bemde, hein. Mais on m'en rotas d'eau en mille blom, ya, hag vos red or parking ouel à tout, hein. Les dents à de parkir, y'a bon. A grand sépini géjon, je dis, j'ai tiens, mais le dud ou à tos en zon veltos. Bon, Végenom, je regrande tandard de ce galop, yes bro, braisuel. Un des vaisseaux, azobé de Honcourt, scrivant derrière. Jusement, visé, azobé, ro, et prijo. Puis, ouais, il y a André Hogg de ce bro Loudia, ouais, président de Vernerien. A gezo raid, au neubat prijo, vide contaden ou barzon égout, ag calze droen. Baplon ne mouedek e bet lid de ne vesso deg vla ur skol diwan krouet oa bet ba chapel neve de diantan ba bla daou vilhoer hag oa ler oa deud de blon ne mouedek hag bon la ramde chans vart gant ur skol de derren war an nens bon setu jonge al rand me a on dra wel moa rand de laret Presti vos clèves de Waravagenou, Matrezen, Heurplar, Anneuse Gred, Orpladen, Kano Weneo Boz, et Ujni Parcheminer. Neuse zo, au Kano Bav, Veschonon Spelzo, Agazen, Neuse Gred, Orpladen, Kano Dekpe, Dogs, Tond, Graftin, Kano Boz. A Presti des Jonges, Doro Nel, War, Han, Adiskan. Bon, c'est-tu, graine même mon temps trop, Bavro, un gabelle à végèle, voilà, à voir ça.